c'était un avocat, un authentique vicieux, un malfrat, un vrai couillon, tout un scélérat, une vraie face de rat. Il laisse dans les deuils des poursuites, des injonctions, un beau cercueil, un monument en forme de moi, des tas de joie dignes d'un enfant roi. Cette magnifique journée, malheureusement la vie ce n'est pas un agenda. Objection, votre honneur.